السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Donc bienvenue mes chers frères en ce samedi soir du 12 Ramadan 1442 correspondant au 24 avril 2021 pour ce second cours de cette série de 4 cours concernant quelques hadiths du livre Bulugh al-Maram que nous avons commencé la semaine dernière. Et donc la semaine dernière, on a commencé par expliquer rapidement le choix de ce livre. Donc la semaine dernière, on a commencé par parler du livre ainsi que son auteur, pourquoi le choix de ce livre et la particularité également de Kitab al-Jami', donc le livre des généralités qui est à la fin du livre Bulugh al-Maram, ainsi que du chapitre Al-Adab que l'on a traduit par le bon comportement ou la bienséance. Et ensuite, on a pris l'explication du premier hadith du chapitre qui en comporte 16, qui est le suivant. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre de 6. Si tu le rencontres, salue-le. S'il t'invite, réponds à son invitation. S'il te demande conseil, conseille-le. S'il éternue et dit Alhamdulillah, réponds-lui. S'il est malade, visite-le. Et s'il meurt, prends part à sa janaza. Donc on a parlé rapidement du compagnon qui rapporte ce hadith, Abu Huraira, qui est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith. Et on a expliqué ces 6 droits du musulman sur son frère musulman qui sont: le premier, rendre le salut, le deuxième, répondre à l'invitation, le troisième, le conseil, le quatrième, le fait d'invoquer pour son frère qui a dit Alhamdulillah après avoir éternué, le cinquième, le fait de visiter le malade, et le sixième, de participer à la prière de l'janaza. Et aujourd'hui, donc, on continue avec le deuxième hadith du chapitre. An Abi Hurayrata radiallahu anhu, qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez celui qui vous est inférieur et ne regardez pas celui qui vous est supérieur. C'est plus à même pour ne pas sous-estimer les faveurs d'Allah envers vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici aussi le rapporteur du hadith est Abu Huraira, dont on a déjà parlé au cours précédent. Juste un point sur l'information qu'on a citée à la fin du hadith en disant « rapporté par Al-Bukhari et Muslim ». Il faut savoir qu'il est très important de citer ses sources dans notre religion. Et il est connu que certains hadiths sont authentiques et d'autres ne le sont pas. Et donc ici, comme on a dit, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il n'y a pas besoin de dire est-ce qu'il est authentique ou pas, puisqu'il est authentique à partir du moment où il est cité soit par Al-Bukhari, soit par Muslim, soit par les deux. L'expression utilisée en arabe ici est « muttafaqun alayh » que l'on pourrait traduire par « Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, se sont mis d'accord dessus ». C'est-à-dire qu'il fait partie des hadiths authentiques qui est présent dans l'authentique de Al-Bukhari et l'authentique de Muslim. Et il se peut que la version citée par l'imam Al-Bukhari rahimahullah est de légère différence avec celle citée par l'imam Muslim rahimahullah. Pour autant, les savants du hadith considèrent que c'est le même hadith, mais ils diront ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahumallah, et cette version-là est celle de Muslim par exemple. Avec la condition que le hadith donc soit rapporté par le même compagnon et que les mots utilisés soient identiques ou très proches. Et c'est le cas ici. Ici, Ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Bulugh al-Maram, a rapporté ce hadith en disant « muttafaqun alayh » et la version que nous venons de lire est celle de l'imam Muslim, rahimahullah. Et la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, est la suivante. « An Abi Hurayrata radiallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ. Donc d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous regarde vers celui qui a été comblé par les richesses ou l'apparence, alors qu'il regarde vers celui qui lui est inférieur. Donc on peut voir que le sens est le même. Donc ce hadith, regardez celui qui vous est inférieur et ne regardez pas celui qui vous est supérieur. C'est un hadith qui traite du sujet de l'ascétisme et qui rapporte une règle fondamentale dans le fait de remercier Allah pour ce qu'il nous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « regardez celui qui vous est inférieur ». Regardez pas dans le sens du regard de l'œil, mais dans un sens plus général. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui vous est inférieur ». Certains savants ont dit « celui qui vous est inférieur » dans les choses mondaines. Et ils se sont basés sur cela, sur la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui a précisé dans sa version les richesses et l'apparence. Et d'autres savants, comme le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui a dit qu'il n'y avait pas de différence à faire entre les choses mondaines et les choses religieuses, puisque le hadith est général. Quoi qu'il en soit, la sagesse qui est voulue ici, dans le fait de regarder celui qui nous est inférieur et de ne pas regarder celui qui nous est supérieur, est expliquée dans la suite du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est plus à même pour ne pas sous-estimer les faveurs d'Allah envers vous. » En effet, celui qui va regarder, celui qui a plus de richesses que lui, ou une meilleure santé, ou une meilleure apparence, alors il va se trouver dans la situation où il aura plus de difficultés à remercier Allah. Et c'est là l'intérêt de ce hadith. La personne, par exemple, qui est malade, d'une maladie commune, comment il va faire pour mieux vivre sa maladie? Il va regarder la personne qui est plus touchée que lui par l'épreuve de la maladie, et non pas celui qui est en bonne santé. Celui qui, par exemple, a une douleur dans les jambes et une difficulté à marcher. S'il regarde celui qui marche normalement, qui n'a pas de problème de santé, il va se sentir rabaissé et il va être plus difficile pour lui de faire des œuvres. Alors que s'il regarde vers celui qui n'a pas de jambes, par exemple, qui est en fauteuil roulant, qui ne peut pas marcher, alors il sera plus à même à remercier Allah pour la ni'ma qu'il a de pouvoir avoir cette supériorité, c'est-à-dire même s'il a une difficulté dans le fait de marcher, il a la capacité de marcher. Voilà ce qui est voulu dans ce hadith. Le fait d'être satisfait par ce qu'Allah nous donne est un point essentiel pour la réussite dans notre vie sur terre et dans notre vie dans l'au-delà. Et l'erreur de regarder vers les gens qui sont au-dessus de nous aura de mauvaises conséquences sur notre croyance, sur nos actes, sur notre vie présente et notre vie future. Et qu'Allah nous en préserve. Le musulman ne doit pas oublier que cette vie que nous vivons actuellement est une vie d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » Dans le sens, nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants. Donc il est clair qu'Allah a mis une sagesse dans l'épreuve afin que ceux qui réussissent cette épreuve aient une récompense. Donc la première chose qui va faciliter le croyant face à ces épreuves est la croyance correcte. Et ici, celle qui est liée à la prédestination. Allah a dit dans le Coran « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Où le sens approximatif est, c'est nous qui avons partagé entre eux les moyens de subsistance en ce bas monde. Et les avons élevés en rang les uns par rapport aux autres, afin qu'ils puissent être au service les uns des autres. La miséricorde de ton Seigneur est meilleure que tout ce qu'ils amassent. Donc Allah ici nous explique qu'il y a une sagesse dans le partage des richesses. Et ainsi, celui qui comprend cela ne sera pas touché de la même manière par celui qui a plus de richesses que lui. Mais au contraire, il utilisera le hadith que nous sommes en train de voir pour se tourner vers celui qui a moins de richesses que lui et remercier Allah pour les richesses qu'il a. Et celui qui oublie cet enseignement se retrouvera dans de nombreux problèmes. Parmi ceux-là, et c'est le principal, le fait d'avoir une vision qui diminue les bienfaits d'Allah sur lui, et donc de diminuer le remerciement envers Allah qu'il se doit de faire. Également celui qui va regarder vers les gens qui ont plus de richesses que lui, ou une meilleure santé, ou les autres points qui ont été cités auparavant, eh bien il va se fatiguer à essayer d'obtenir quelque chose qui ne lui est pas destiné à lui. Ce qui va l'amener ensuite vers une tristesse, qui peut être grande jusqu'à le rendre malade, et dépressif, et parmi les conséquences également, le fait de devenir envieux envers les autres. Celui qui ne comprend pas la sagesse qu'Allah a mise dans le fait de donner à autre que lui des choses que lui n'a pas, il va se mettre à envier ces personnes-là. Et tout cela aura une conséquence négative pour lui, que ce soit dans sa vie de dunya et également dans sa vie de l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la dua Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est-à-dire, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, te remercier et pratiquer pour toi les meilleures adorations. Donc on demande à Allah qu'il nous facilite pour que l'on puisse le remercier. Et parmi les causes qui vont nous faciliter, il y a cette invocation et il y a la mise en application du hadith que nous venons de voir. Et ceci, mes frères, est parmi les ruses de Shaitan, le fait de nous éloigner des choses qui sont bénéfiques pour nous. Dans le fait de regarder les biens d'une personne qui est supérieure à nous, c'est-à-dire qui a plus de biens que nous. Il y aura pour conséquence de vouloir ressembler à cette personne, peut-être de l'envier, donc de se fatiguer dans des choses mondaines, au détriment d'autres adorations qui auraient pu être la cause de notre rentrée au paradis, et également dans le fait de regarder vers une personne qui a une meilleure santé que nous, ou alors qui n'a pas été touché par une épreuve qui nous touche, va nous éloigner de la grande adoration qui est de remercier Allah pour ce qu'il nous a accordé. Il y a aussi la mauvaise croyance de penser que la personne qui a plus de biens est plus aimée d'Allah. Le fait d'avoir plus de biens peut être une épreuve. Et le fait d'être pauvre peut être une récompense. Celui qui a de l'argent sera questionné sur l'utilisation de cet argent. Alors que celui qui n'a pas d'argent n'aura pas ce problème. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fajr: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ. Dans le sens, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant de bienfaits. Donc, les bienfaits qu'Allah donne à un homme peuvent être une épreuve, car il devra répondre à la manière dont il a utilisé ce bienfait. Donc le musulman doit s'efforcer de s'éloigner des pièges de Shaitan et de se rapprocher d'Allah par les meilleures adorations. Et parmi ces meilleures adorations, le fait de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et pour faciliter ce remerciement, le musulman regarde les gens qui lui sont inférieurs. Et on peut ajouter pour finir l'exception qu'ont fait certains savants de dire que l'on peut regarder vers les gens qui sont supérieurs à nous pour les choses qui concernent la religion, pour nous motiver à augmenter notre pratique. Si on voit quelqu'un, par exemple, qui arrive plus tôt que nous à la mosquée à chaque fois, ou alors quelqu'un qui jeûne plus régulièrement que nous, ou qui dépense plus dans le sentier d'Allah que nous, alors on peut se motiver en se disant « Mais qu'est-ce qui m'empêche à moi aussi de faire cela ?» Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de mal à regarder la personne qui est supérieure à nous si cela peut nous motiver à faire plus d'adoration. Parce que c'est ça le but voulu. C'est de se rapprocher d'Allah dans la pratique. Donc le fait de regarder celui qui est inférieur à nous nous rapproche d'Allah dans le remerciement. Et ce que certains autres savants ont cité, le fait de regarder celui qui est supérieur à nous dans la pratique religieuse peut nous permettre de faire plus d'efforts et d'accentuer nos adorations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith, et on va passer au hadith suivant, inshallah, le troisième du chapitre. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. Donc d'après Nawas ibn Sim'an radiallahu anhuma, j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la piété et le péché, et il répondit: la piété est le bon comportement, et le péché est ce qui est dans ton cœur et que tu détesterais que les gens ne sachent. Rapporté par l'imam Muslim. Donc le rapporteur de ce hadith est Nawas ibn Sim'an, et il a été rapporté également Nawas ibn Sam'an radiallahu anhuma. Donc c'est un compagnon, fils de compagnon. Son père, Sim'an, était un compagnon également. Donc son nom est Nawas ibn Sim'an ibn Khalid al-Kalbi al-Ansari. Il a vécu et est mort au Shem en l'an 50 de l'Hégire. Et il a rapporté 17 hadiths. Et on a le savant Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, un savant du 5e siècle de l'Égypte qui est mort en l'an 456, rahimahullah, qui a fait l'effort d'écrire un livre où il a rapporté et il a classé les compagnons par rapport au nombre de hadiths qu'ils ont rapportés. Donc le premier, c'est Abu Huraira. Ensuite, le deuxième, Abdullah ibn Omar. Le troisième, Anas ibn Malik, etc. Et Nawas ibn Sim'an est le 134e de cette liste pour avoir rapporté 17 hadiths. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La piété est le bon comportement ». La piété en vérité est beaucoup plus large que le bon comportement. Mais comme dans le hadith, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfois rapporté dans des hadiths, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans certains hadiths a défini une chose par sa composante la plus importante. Et parmi les hadiths qui rentrent dans ce cas-là, « Ad-din un-nasiha », la religion c'est la sincérité. Ou alors « Al-hajj arafah », le pèlerinage c'est « Arafat ». Et ici également, la piété est le bon comportement. C'est-à-dire parmi les choses les plus importantes dans la piété, c'est-à-dire que l'on peut résumer la piété par le bon comportement, même si la piété est plus large que cela. Donc de manière plus générale, la piété, qu'est-ce que cela signifie? On voit son sens dans le verset de Sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhiri wal-malaikati wal-kitab » والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans le sens du verset, la vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. De donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, ceux qui honorent leurs engagements quand ils s'engagent, ceux qui sont patients face à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont des véridiques et ceux-là sont certes les gens pieux. Donc on voit ici le sens plus général de Elbir, que l'on peut traduire par la piété ou la vertu. Et on voit ici l'importance d'Elbir, et il y a beaucoup d'ouvrages qui ont traité de ce sujet, et notamment le chapitre que nous voyons actuellement, c'est le chapitre Al-Adab, et le chapitre suivant dans le livre Bulugh Al-Maram est le chapitre qui s'appelle Elbir Wasila, donc la vertu et les liens de parenté. Et on retrouve ce chapitre-là, Al-Bir Wassila, dans d'autres livres également. Il y a même des auteurs, et parmi eux Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un savant du deuxième siècle de l'Égypte, qui a écrit un livre complet sur ce sujet-là, qui s'appelle Al-Bir Wassila. Et on a Al-Bir qui est souvent cité avec le mot At-Taqwa. Et il fait partie des mots qui, lorsqu'ils sont cités séparément, ont le même sens, et lorsqu'ils sont cités ensemble, ont un sens proche, mais il y a une différence entre les deux. On retrouve cela pour d'autres mots, comme par exemple « al-islam » ou « al-iman ». Donc « al-islam » et « al-iman », quand ils sont cités séparément, ils ont le même sens. Et quand ils sont cités ensemble, comme dans le hadith de Jibril, de Arba'in Nawawi par exemple, « al-islam » il a le sens des actes apparents, et « al-iman » il a le sens des actes du cœur. Donc « al-islam » ce sera la prière, la zakat, le siyam, et « al-iman » ça va être les actes du cœur, donc la foi en Allah, la crainte, l'espoir et ce genre de choses. Ici également, Al-Birr wa Taqwa, ils ont un sens commun. Et quand ils sont cités ensemble, Al-Birr va avoir le sens de la pratique des adorations, qu'elles soient apparentes ou cachées. Des actions apparentes, par exemple la prière, la zakat. Ou alors des actions cachées, comme la foi, et ce qu'on a pu retrouver, et des actes cachés, comme la foi en Allah, en son livre, comme la foi en Allah, en ses livres, en ses messagers, et tout ce qu'on a pu voir dans la traduction du sens du verset de Surat Baqarah. Alors que At-Taqwa va avoir le sens de s'éloigner des interdits. Mais ici dans ce hadith, Al-Birr Husnul Khuluq, donc la piété ou la vertu est le bon comportement. Et comme on a déjà dit, mais on le répète encore, le bon comportement a une place très importante dans la religion. Certains parmi les salafs disaient « Toute la religion est faite de comportements. » Et le musulman qui pratique correctement sa religion, il va dégager de lui un bon comportement. Et parmi les bons comportements, le fait d'être souriant, le fait d'éviter d'être nuisible aux autres, de leur rendre service, et toutes ces choses qui l'embellissent dans ses relations avec les autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et le péché est ce qui est dans ton cœur et que tu détesterais que les gens ne sachent. » En opposition avec la piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a détaillé le péché et il l'a décrit comme étant ce qui est dans ton cœur et ce que tu détesterais que les gens ne sachent. Donc quelque chose que le musulman ne va pas oser faire devant les gens parce qu'il va ressentir que s'il le fait devant les gens, cela va lui être reproché, alors ça rentre dans le péché. Mais il faut bien comprendre que cela n'est pas pour tout le monde. Cela est valable pour le musulman qui a le cœur saint. Donc le péché est ce qui est dans ton cœur saint, et que tu détesterais que les gens ne sachent, les gens également qui ont un cœur saint, les gens qui pratiquent la sunna correctement. Il faut savoir que la personne qui a posé la question était un compagnon, donc qui avait le cœur saint, qui avait une bonne compréhension, une bonne pratique et une bonne crainte d'Allah. Et c'est pour cette personne-là que s'applique la relation entre l'acte et le ressenti du cœur. Il ne faut pas prendre ce hadith-là et rejeter les autres hadiths qui expliquent les différents péchés. Si une chose est considérée comme un péché, alors on n'a pas le droit d'utiliser ce hadith pour dire « Oui, mais moi, quand je le fais, ça ne me fait rien et les gens, ça ne les dérange pas. » On n'utilise pas un hadith pour rejeter d'autres hadiths. Pour juger un péché, on utilise ce hadith et également les autres hadiths qui vont dire, par exemple, telle chose est un péché, telle chose est un péché. Et on peut aussi tirer comme enseignement de ce hadith l'importance de vivre dans un cadre où les gens autour de nous sont des gens pieux et religieux. Et ensuite, ce qui est demandé, c'est de retourner vers les gens de science pour s'assurer que cette chose-là est soit autorisée ou soit ne l'est pas. Mais la recherche de science est toujours ce qui est demandé. C'est-à-dire d'avoir une preuve lorsqu'on fait quelque chose est meilleure que d'avoir un doute ou une intuition. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de manière très résumée sur ce hadith. On va s'arrêter ici et on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum d'avoir écouté. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.